tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Quand les champignons sortent du bois, une série de Céline Duchesnay réalisée par Laurent Polleret. Au départ de cette série, il y a la jubilation de trouver parmi les aiguilles de pin un bouquet de girolles orangées, l'odeur douceâtre des caves ou des sous-bois et la fascination pour ces créatures multicolores et multiformes aux propriétés parfois hallucinantes. Alors pour commencer, les personnages. Une femme curieuse, un historien des sciences, un professeur expérimentateur, un couple d'ethnologues, une chamane experte, des aztèques, des missionnaires, des expérimentateurs et des guérisseurs. Ensuite, le décor, une éclipse, des psilocybes, des amanites, la chair des dieux, une fresque, des larmes, le Mexique, des cérémonies, un œuf et des amulettes, la nature et les hippies. Aujourd'hui, troisième épisode, on arrive à Oaxaca. La première fois que j'ai mangé, hace 45 años. La première fois que je n'ai mangé, c'était il y a 45 ans. Estábamos en Oaxaca, en la sierra. Queríamos irnos a vivir ahí. Llegamos a un lugar que se llama San José Pacífico. On était dans le Oaxaca, dans la montagne. On voulait s'installer et on est arrivé dans un lieu qui s'appelle San José Pacífico. San José Pacífico está un pueblo después de Miahuatlán, donde fue el eclipse de sol en el 70. Fue el eclipse total. C'est un petit village à côté de Miahuatlán, là où il y a eu l'éclipse totale de soleil en 1970. Y ahí había hongo, porque no en toda la sierra de Oaxaca no hay hongo. Hay lugares específicos donde hay. Comme Huautla, San José Pacífico. Là précisément, on y trouve des champignons. On n'y trouve pas de champignons partout dans la montagne de Oaxaca. Il y a certains lieux spécifiques comme Huautla et San José Pacífico. Alors pourquoi est-ce que vous vouliez prendre des champignons? Había curiosidad, se sabía de los hongos. Yo soy del tiempo de los hippies, de que todo estaba muy normal con la un darse un toque. Marihuana y los alucinógenos, ¿no? LSD y en ese tiempo no había cocaína, ¿eh? Además era marihuana y los que te hacían viajar. Je l'ai fait par curiosité. On savait beaucoup de choses sur les champignons. Je suis de l'époque des hippies. On trouvait normal d'essayer la marihuana, les hallucinogènes, le LSD. À cette époque, il n'y avait pas de cocaïne. C'était la marihuana. Toutes ces choses qui te faisaient voyager. Est-ce que vous pensez que Huautla de Jiménez est un lieu à part, un lieu particulier? No puede ser un pueblo como otro porque hay hongos. Se siente lo mágico, la energía, ¿no? Otra energía. San José Pacífico también. Ça ne peut pas être un village comme un autre puisqu'il y a des champignons. On y sent le magique, l'énergie, une autre énergie. À San José Pacífico aussi. En dehors de la curiosité, est-ce que vous aviez d'autres raisons pour prendre des champignons? Lo que se escuchaba, yo ya había oído de mucha gente que había comido hongo y sabía de María Sabina que lo ocupaba para curar. Era algo muy mágico, muy fuera de mí, ¿no? On entendait beaucoup de choses dans mon entourage au sujet des champignons. J'avais entendu parler de María Sabina qui les utilisait pour soigner les gens. C'est quelque chose de très magique, de plus grand que moi, que je ne peux pas expliquer. Cette première expérience a été une expérience positive? Mucho. Très. Denis Lamy, vous êtes historien des sciences. Est-ce que vous pourriez nous décrire un psilocybe? Parce que je vois que vous en avez sous les yeux au muséum. Alors, je vais vous décrire un psilocybe à la façon d'un historien, c'est-à-dire absolument pas de façon ni mycologique ni botanique. On a des pieds comme ça qui sortent de terre avec une espèce de chapeau conique, puisque le psilocybe fait partie des basidiomycètes, donc on imagine assez bien les spores sous le chapeau. Et ça, de temps en temps, on pourrait confondre ça, si on était un mauvais mycologue comme moi, à des coprins, mais ça n'a pas du tout les vertus du coprin. Donc ce sont des espèces qui sont récoltées, celle-là c'est un psilocybe mexicana, récoltée au Mexique, et qui était cultivée aussi au laboratoire de cryptogamie à l'époque par l'assistant de Roger M, et de façon, j'allais dire, intensive, pour pouvoir étudier le développement de l'espèce et en même temps essayer de faire des hybrides entre différentes espèces afin d'extraire les produits actifs, soit la psilocine, soit la psilocybine, de ces hybrides ou de ces espèces naturelles, pour voir quels étaient les caractères de ces champignons, d'une part morphologiques et d'autre part chimiques. Il n'existe pas un seul psilocybe ? Non, il n'existe pas un seul psilocybe. Il y a des psilocybes qui existent dans les régions de montagne et en France, en Europe, et il y a aussi des psilocybes de la région américaine, d'Amérique du Sud, celles qui ont déclenché cette grande découverte de Roger M dans les années 1950 et qui a fait une grosse partie de sa carrière dessus. Ce sont de petits champignons en taille ? Oui, ce sont de petits champignons. C'est pas si on avait... Alors, j'ai dans la tête une image de Roger M présentant sur une assiette des champignons, des psilocybes en culture, et on voit bien que ça fait à peu près une dizaine, une quinzaine de centimètres de hauteur par rapport au visage de Roger M derrière, qui en plus de ça a des très belles lunettes, et cette photo est absolument magique. Le professeur Roger M va nous raconter lui-même comment il a été mis sur la voie de cette découverte grâce aux indications recueillies au Mexique par un ethnologue de ses amis, le professeur Wasson. Wasson avait été alerté par un écho qui lui venait d'une petite publication qu'avait faite un ethnologue et botaniste américain qui s'appelle Schultes avant la guerre. Il s'était rendu au Mexique, où il allait de temps en temps étudier les plantes toxiques, et dans un village appelé Huautla de Jiménez, dans le pays Mazatec, Schultes avait appris, ou cru apprendre, que certains champignons, dont parlent les anciens auteurs espagnols au XVIe siècle et au XVIIe siècle, étaient encore en usage dans cette région. Les Indiens lui avaient d'ailleurs donné quelques échantillons d'un champignon qu'il avait rapporté, dont il avait donné le nom dans sa note. Et d'ailleurs, les champignons hallucinogènes du Mexique appartiennent à... L'intérêt de Roger pour les champignons hallucinogènes est un intérêt qui est à la croisée d'observations et d'intérêts chimiques, je dirais, de biologie de Roger M. Roger M était major de l'IX, très grand chimiste, a été nommé ici directeur d'une part du laboratoire de cryptogamie, d'autre part a été très vite directeur du muséum, et ensuite de ça est entré à l'Académie des sciences. Donc c'est quelqu'un qui a une sommité, qui a une aura très particulière, et qui sait parler en public et faire des très belles conférences. L'intérêt sur les champignons hallucinogènes est venu d'une lettre de Gordon Wasson, qui avait un intérêt d'ethnomycologie pour retrouver dans des peintures style Bosch ou autre des champignons qui pourraient exister encore et savoir de quels champignons il s'agissait. Et donc ça a commencé des échanges dans les années 56-57, des échanges de lettres entre Wasson et la femme de Wasson aussi a un rôle important. Et donc de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Puis petit à petit, l'intérêt de Roger M a été focalisé sur ces champignons à usage, je dirais, rituel par les Mexicains. Et c'est cet usage rituel qu'il respectait et qu'il voulait découvrir. Donc pour lui, découvrir cet usage, c'était à la fois essayer de faire une expérience, comme il l'a fait au Mexique, en étant suivi par Maria Sabina, qui était donc la chamane qui l'a guidé. Et il a toujours dit qu'il fallait être guidé dans ses expériences et ne pas les faire dans son coin, parce que ça a quand même pas mal de conséquences. Et à partir de là, au retour en France, il a essayé de comprendre comment des croisements possibles de psilocybes pouvaient fournir des spécimens plus riches en produits hallucinogènes et pouvoir utiliser ces produits avec ses collègues du côté psychiatrique, puisqu'il avait des relations avec l'hôpital de Sainte-Anne, et puis aussi avec Michaud, qui a essayé aussi ses drogues, mais de façon absolument rationnelle, je dirais. Roger M. reste un scientifique, même si c'est un scientifique très littéraire, comme on n'en fait plus maintenant, parce que c'était la période de formation de ces scientifiques, elle était à la fois littéraire et très poussée en mathématiques ou en chimie ou autre, et on est resté avec cette formation jusque dans les années 80. Ensuite, on a tout cloisonné, et petit à petit, on a des gens qui savent que faire que ça, et pas autre chose. Roger M. savait tout faire. Il savait tout faire, il savait à la fois décrire les champignons, il savait les étudier de façon scientifique. Pour lui, l'intérêt, c'est pas de donner un nom aux champignons, son intérêt, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Son intérêt, c'est d'abord un intérêt biologique. Mais alors, quand on pense à Roger M., donc ce grand scientifique, on se dit qu'il faut quand même avoir une tournure d'esprit ou une ouverture d'esprit assez particulière pour avoir envie d'aller jusque dans l'Oaxaca, tester soi-même des champignons hallucinogènes. On est dans les années 50, on n'est pas du tout comme aujourd'hui en 2019 dans des terrains plus balisés. Alors, c'est vrai que le terrain n'était pas balisé du tout. Je pense que l'influence des Wasson a été importante pour Roger M. Comme les Wasson avaient déjà une fréquentation de ce qu'étaient les produits hallucinogènes, notamment avec les amanites dans les pays d'Europe centrale, qu'ils connaissaient fort bien, je pense que ça a été un engrenage d'aller jusqu'au bout et de faire cette expérience. Je ne sais pas dans quel état Roger M. l'a abordé, si c'était une provocation ou si c'était plutôt une curiosité scientifique. Je serais plutôt pour la curiosité scientifique. Il ne s'agissait pas, même si après il en a profité, hein, les grands titres de journaux, un académicien a goûté la chair des dieux. Enfin bon, ça a défrayé la chronique. Quand on voit les journaux de l'époque, on a beaucoup monté ça en épingle, comme on sait le faire encore maintenant. Mais je pense que cette expérience était quelque chose qui était nécessaire à son étude, de façon à, encore une fois, à percevoir le champignon, non pas juste là comme un spécimen, mais aussi dans son aspect biologique et dans tous les effets que ça pouvait apporter. En plus de ça, on peut trouver aussi des points communs avec une certaine humanité, un certain rapport à la nature qu'il avait déjà auparavant, puisque dans les années 30, il avait déjà publié des documents, des textes importants sur la protection de la nature et alerté sur l'importance de protéger déjà l'environnement dans lequel on est. Et je pense que tout ça mis ensemble, c'est l'homme au milieu des cultures, au milieu de la nature, et l'expérience des champignons hallucinogènes en fait partie. C'est pas un défi comme on pourrait en lancer après avoir bien bu. Non, c'est quelque chose qu'il a certainement construit, mûri dans sa tête. Il est parti à l'aventure au Mexique dans des conditions qui étaient certainement pas simples dans les années 50. Et il y est retourné deux ou trois fois, si mes souvenirs sont bons. Et à chaque fois, ça a été une grande expérience et toujours un respect de la culture locale et cette nécessité de s'imprégner de la vie de tous les jours. Magali Demanget, vous êtes ethnologue à l'université de Montpellier 3. Est-ce que vous pourriez nous décrire le culte des champignons, mais peut-être d'un point de vue plus historique au Mexique, parce que c'est une histoire qui est très ancienne et qui ne date pas du tout des années 50. Oui, tout à fait. Alors, si on regarde sur Internet, on va trouver tout un tas d'informations sur la profondeur historique de ce culte qui remonterait à une époque préhispanique. Et ce qu'il est intéressant de souligner avant de revenir à cette question historique et archéologique, c'est que ce que l'on désigne par le culte du champignon sacré, en fait, n'a sans doute rien à voir avec ce qui avait lieu avant l'arrivée des Espagnols, donc chez les Aztèques et autres sociétés préhispaniques du Mexique. C'est une question qui fascine. Et finalement, c'est un peu comme si ce culte du champignon sacré, c'était aussi le culte du passé. En même temps, il est vrai qu'on a des preuves que cette pratique avait cours avant l'arrivée des Espagnols. Elle a suscité beaucoup de critiques extrêmement vives, puisqu'à l'époque, à l'arrivée des Espagnols, la grille d'interprétation, c'était la Bible. Et ces pratiques-là ont été vraiment assimilées à des pratiques diaboliques, démoniaques. C'est la voix du diable qui parle au travers des champignons. Donc c'était vraiment vu sous cet angle-là. Je peux vous citer éventuellement quelques extraits de témoignages de missionnaires. On peut citer par exemple le Codex Duran. Diego Duran était un père dominicain qui, vers 1581, enfin en 1581, a publié ce manuscrit et où il écrit, par exemple, « Le sacrifice terminé et les marches du temple et la cour restant baignées de sang humain, ils s'en allèrent tous manger des champignons crus, nourriture qui leur faisait perdre à tous la raison et les laissait dans un état pire que s'ils avaient bu beaucoup de vin. Ils étaient tellement ivres et privés de raison que beaucoup se suicidaient. Et grâce au pouvoir de ces champignons, ils avaient des visions et l'avenir leur était révélé, le diable leur parlant tandis qu'ils étaient en état d'ivresse. » Et là, on voit bien que finalement, c'est le diable qui parle au travers de ces pratiques. Et il y a évidemment des éléments dans les écrits de Bernardino de Sahagún. C'est l'un des chercheurs de l'époque le plus connu, des pères qui a le plus fait de recherches sur la langue des Aztèques, le Nahuatl. Et avec cet auteur aussi, on va connaître la dénomination, la désignation de ces fameux champignons en Nahuatl, Nanacatl, donc, qui veut dire littéralement, ça serait les chairs. C'est le pluriel de la chair en nahuatl. Et notamment Teonanacatl, qui veut dire, ça a été traduit par la chair des dieux. Hein, donc Teo, c'est en référence aux dieux, pour désigner le champignon. Mais bien entendu, à l'époque, ce qui est pour les uns la chair des dieux, pour les autres, c'est la chair du diable. Balin, vous êtes historien à Paris-Nanterre et vous êtes spécialiste de l'histoire du métissage pendant l'époque coloniale. Alors nous sommes ici à Mexico et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on s'était donné rendez-vous donc au musée d'anthropologie pour parler des champignons. Très précisément devant une fresque. Oui, devant... alors ça correspond à une fresque qui a été découverte dans les années 1940 dans les environs de Teotihuacan, dans le barrio de Tepantitla. Teotihuacan, c'est... une des grandes cités mésoaméricaines qui a prospéré à l'époque classique, donc là on est environ entre 300 et 600 après Jésus-Christ. Et donc cette ville a été située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Mexico. C'est une fresque qui fait à peu près 8 mètres de long sur 4 mètres de hauteur et qui représente en quelque sorte une sorte d'Éden, le Tlalocan, qui est le paradis de Tlaloc. Alors, qui est Tlaloc ? Eh bien, c'est la divinité de la pluie. Hein. C'est celle qui fait germer la végétation. Et c'est Tlaloc, c'est la divinité grande pourvoyeuse des eaux. Est-ce que c'est celle qui fait pousser les champignons ? Alors, oui. Alors, on voit un certain nombre de spécimens d'agaric mexicains. Alors, il faut les chercher. Ils sont tout en bas, à droite. Approchez-vous. Autour du lac se trouve une série de petits champignons dont on voit bien donc le chapeau et donc le stipe. Et ce qui est intéressant de voir sur cette fresque, c'est c'est que les sociétés mésoaméricaines, en tout cas dans le cas de Teotihuacan, étaient intimement liées à leur milieu naturel et notamment aux plantes hallucinogènes. C'est aussi pour nous un autre indice parce que ces champignons, on les connaît par le biais des conquistadors et des textes que les Européens ont pu écrire sur ces peuples. Et là, nous avons donc une sorte de preuve directe sans le truchement des Européens. Oui, exactement. C'est une des rares preuves que l'on a de la proximité des Mésoaméricains avec les champignons hallucinogènes du Mexique dans les cosmovisions mésoaméricaines. Magali de Manger, avant que Wasson n'arrive à Huautla, est-ce qu'on sait précisément comment étaient utilisés les champignons et ce qu'ils représentaient auprès des Mazatèques ? Jusqu'à l'arrivée de Wasson, on peut dire que ça faisait partie d'une sorte de secret communautaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne parlait pas, qui était caché les gens de savoir aujourd'hui regrettent cette époque où justement on les respectait. On faisait en sorte que les regards ne se posent pas dessus. On les dissimulait, on faisait en sorte que le vent ne les affecte pas avant de les consommer. On était vraiment dans une pratique de dissimulation de ces fameux champignons, et c'est la raison pour laquelle, jusqu'alors, ils avaient échappé à... Bon, ils ont échappé à la vigilance des prêtres au fil de la colonie, des missionnaires. Bon, ils n'ont pas échappé à la vigilance, en revanche, des ethnologues des années 30-40. Ils ont été cachés. Alors, ils ont été cachés parce qu'ils étaient interdits, tout d'abord, tout au long de la colonie, puis ensuite, par la suite, après l'indépendance, c'était pas tant les interdits de l'Église qui pesaient, c'était aussi le fait que c'est aussi en lien avec la sorcellerie, avec les guérisons individuelles, des choses qu'on ne dit pas. Même encore aujourd'hui, il y a une femme à Satek qui me disait « Moi, je dis que je ne crois plus du tout aux champignons. Comme ça, on me laisse tranquille et quand je les prends, personne ne le sait. » Ça fait partie d'un secret communautaire. Est-ce que vous savez comment se sont passées ces expéditions, les expéditions de Wasson, plus après de Roger M. qui a fini par le rejoindre? Comment est-ce qu'il a eu vent de Huautla de Jiménez et de cet endroit, ce petit village où il y avait des cérémonies autour des champignons? Donc on est dans les années 50. Wasson, à la base, c'est un autodidacte. C'est un banquier new-yorkais, passionné de mycologie, qui a une certaine rigueur dans son travail et qui va vraiment savoir s'allier, qui va savoir faire du réseau en quelque sorte à un niveau international, qui va savoir s'allier les grandes figures de la recherche de l'époque. On l'a vu avec, en parlant de Roger M., mais également avec des anthropologues, des archéologues. Et dans son réseau, il va apprendre qu'il y aurait toujours dans la Sierra Massatec une prise rituelle de ces champignons. Il s'agit au départ, en fait, c'est par l'entremise d'un article d'un ethnologue et puis de témoignages d'un anthropologue qui est une figure de l'anthropologie mexicaine, qui est Roberto Weitlaner. Par l'entremise de ces anthropologues, il va apprendre qu'il y aurait encore, alors il a peu d'informations, cette pratique-là. Et là, il va apprendre qu'il y a également une missionnaire de l'Institut linguistique d'été, qui est linguiste, qui travaille à Huautla. Il va lui envoyer une lettre et elle va lui répondre en lui donnant une description assez détaillée de ses pratiques. Elle en regrette la survivance, mais elle en fournit une description assez détaillée. Et donc, à la suite de ces échanges épistolaires, Wasson va faire plusieurs voyages, notamment en 1953, en 1955 et en 1956. Tout d'abord, il va rencontrer un guérisseur, et puis ensuite, en 1955, il va rencontrer la fameuse Maria Sabina, qui va devenir véritablement sa muse, en quelque sorte, pour découvrir ce qu'il considère comme étant le terrible mystère du champignon sacré. Ces voyages, bon, je vais résumer, mais lui, il va vraiment les décrire avec beaucoup de précision. Il va envoyer des échantillons à Roger M., et le dernier voyage, celui de 1956, il va le faire avec toute une expédition, et avec Roger M. et avec aussi du matériel pour enregistrer les chants de Maria Sabina, qui par la suite vont donner lieu à un disque. Il va donner toutes les étapes de son accès à ce mystère du champignon sacré. Il va décrire toutes les cérémonies, expliquer comment peu à peu il a atteint ce secret-là. Alors ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est que ces explorations, elles vont toujours se combiner avec l'expérience. L'expérience, elle est au cœur de ces explorations, et l'expérience, en l'occurrence, intérieure. L'expérience avec la prise de psilocybe, en contexte rituel pour Wasson, mais pas toujours, puisque ça va aussi... Alors, il s'agit de comprendre le trouble psychique, tout en tâchant de comprendre les représentations des natifs, les représentations des autres, et en même temps, on va s'intéresser à la transformation neurologique occasionnée par ces substances. Donc il y a aussi une recherche médicale, botanique. Il va y avoir aussi notamment le chimiste Albert Hoffman, celui qui est considéré comme l'inventeur du LSD, qui va aussi aller à Huautla, et qui va désigner les champignons des Massatec comme étant les cousins mexicains du LSD, ou bien la drogue mexicaine du Teonanacatl. Il y a toute une exploration, et ces deux dimensions, expérience et pratique ethnographique, elles sont assez importantes parce que par la suite, elles vont se développer. Mais les Massatec, eux-mêmes qui utilisaient ces champignons, à quoi servaient ces champignons? Alors, les Massatec, ils les utilisent toujours. Ce qui, dans la démarche de Wasson, a été intéressant, c'est qu'il s'est allié des linguistes. Il a enregistré les chants de Maria Sabina. Et donc, il a donné accès aux représentations locales par l'entremise de la traduction de ces chants. À l'époque, oui, il a vraiment une démarche d'ethnographe, c'est-à-dire qu'il explique qu'effectivement, localement, on les prend pour se soigner, pour traiter l'infortune, que c'est quelque chose de très délicat, qu'il y a des circonstances rituelles à respecter, etc. etc. On a déjà des informations là-dessus. Mais c'est le début, en quelque sorte, puisque c'est par la suite que des anthropologues vont retravailler cette question. Aristeo, vous avez commencé à prendre des champignons en 1967. Alors, pour quelle raison vous avez eu envie de prendre des champignons ? Bueno, leí algo acerca de Watson, cuando fue a Huautla, entonces nos interesó mucho su experiencia y eso, y aparte, pues decían que el hongo era medicinal, era mágico, que contenía a Dios, ¿ves? Entonces de ahí yo estaba con unos amigos, nos enteramos de eso, y pues de momento agarramos cada quien su cobija y fuimos a la montaña. Bueno, sí, fuimos, subimos a la montaña y con mucho temor, porque no sabíamos. J'avais lu le reportage de Watson et quand j'étais à Huautla, on était déjà bien au courant de son expérience avec les champignons, de leur vertu médicinale et magique, de leur relation à Dieu. Donc à Huautla, j'étais avec des amis, nous avions pris une grande couverture et nous sommes montés en haut de la montagne. On avait peur parce que nous n'avions aucune idée des réactions que nous pourrions avoir en prenant des champignons. Nous sommes arrivés dans la maison d'un certain Matteo, dans un lieu nommé San Matteo, à côté d'un pont en fer. À l'époque, on n'avait pas encore rencontré Maria Salina. Donc on était là-bas avec ce monsieur. On a fait une cérémonie avec des feuilles de tabac que tu brûles pour te purifier avant de manger des champignons. À dire vrai, l'expérience était très forte. Nous étions quatre. Et tous les quatre, nous avons commencé à pleurer. À pleurer beaucoup. Mais sans sentir de douleur. Les larmes coulaient toutes seules, de façon soudaine. C'était quelque chose. Quand nous avons terminé le voyage, ça a duré environ 10 heures, nous avons revu Matteo et sa femme. Ils nous ont dit qu'on ressemblait à des enfants. On leur a demandé pourquoi. Ce sont vos yeux. Vous avez des yeux d'enfant. Les champignons, ça te purifie. J'avais 18 ans. Et suite à cette expérience, est-ce que vous avez eu envie de retourner régulièrement à Huautla? Bueno, después tardé como un año y volvimos a subir a la montaña y subimos con otra persona que se llamaba Aurora, que es chamana también. O sea, entonces subimos y esa vez fue diferente el viaje que tuvimos. Nos sentimos muy contentos. Un an après, on est revenu à la Sierra. Nous sommes remontés en haut de la montagne, cette fois-ci avec Aurora, une autre chamane. Le voyage que nous avons fait était très différent. On se sentait très content, heureux. J'ai vu apparaître des morts de ma famille qui me souriaient. J'ai alors explosé en sanglots. Mais avant de rencontrer les membres de ma famille, j'ai vu dans la pièce où je me tenais Aurora et sa nièce. Elles se présentaient comme les gardiennes de mon voyage. Je les voyais distinctement. Pourtant, elles m'ont assuré ne pas avoir été présentes à ce moment-là dans la pièce. Puis à nouveau, je me suis senti envahi par la tristesse. J'ai commencé à me souvenir de mes morts, ce qu'ils avaient vu en moi. J'aurais demandé pardon pour ce qui s'était passé. J'aurais dû leur donner plus d'amour. Je n'avais pas été une bonne personne avec eux. Un voyage aux champignons, est-ce qu'il y a un objectif précis dès le départ ou pas? Si, o sea, curar, curarme, mi espíritu más que físicamente, porque Yo sabía que estaba mal. Oui, me soigner mon âme, plus spirituellement que physiquement, parce que je savais que j'allais mal. C'est pour cette raison que j'étais si triste quand j'ai vu apparaître ma famille. Je n'avais pas été très gentil avec eux. Je pensais à ce qu'ils m'avaient dit. Tu as été un peu bête. Qu'as-tu fait? Pourquoi es-tu si sensible? En même temps, j'ai ressenti un amour infini et j'ai pleuré. Mais une fois le voyage terminé, je me sentais bien, soulagé, bien plus tranquille. À dire vrai, en voyageant, j'ai davantage pris conscience de ce qui était mauvais en moi. Que représente pour vous le champignon? Est-ce que c'est un petit organisme? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une aide? Est-ce qu'il a un statut particulier? Je le vois comme disent les Mazatecos. Pour moi, c'est comme les Mazatecs, là-bas dans la montagne. C'est la chair de Dieu. Quand tu en manges, ça te fait voir des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Et quand tu finis un voyage, tu n'es plus le même. Arnaud Xbalin, vous vous êtes rendu plusieurs fois à Huautla de Jiménez. Est-ce que vous pourriez nous décrire le lieu où se tiennent ces cérémonies de champignons? Ça dépend dans quel cadre vous le faites et avec qui vous allez prendre les champignons. Mais en général, ça se fait dans un cadre cérémonial, effectivement, avec un chaman, qui est d'ailleurs souvent une femme, que l'on appelle aussi curandera, donc guérisseuse. Ça peut avoir lieu bien sur place, hein, dans sa maison. En général, cette maison est équipée d'un hôtel ou d'une petite chapelle privative, donc qui est en ciment. Dans cette chapelle, en tout cas par exemple, telle qu'on peut la voir chez la curandera Aurora, il y a un hôtel, lui aussi maçonné. Il y a bien des images de la Vierge, des bougies et des encensoirs dans lesquels on fait brûler du copal. Donc la cérémonie a lieu dans cette chapelle et le voyage, en tout cas le début du voyage, a lieu également dans la chapelle. C'est une chapelle catholique ? Oui, c'est une chapelle officiellement catholique. En tout cas, c'est une chapelle là privative, hein, qui a été édifiée de toutes pièces par les propriétaires. Le rite, en tout cas, la cérémonie n'est pas proprement catholique. En tout cas, à mon avis, elle ferait hurler certains membres de l'Église. Mais comment se fait-il qu'on puisse finalement faire une cérémonie, je ne sais pas si on pourrait la qualifier de païenne, si ça a un sens d'ailleurs de dire ça, dans un lieu qui est très connoté catholique? C'est une forme de syncrétisme religieux? Alors si, c'est bien une cérémonie religieuse, avec des phénomènes de syncrétisme assez classiques, hein, ou des éléments, on va dire, païens, je dirais plutôt de la culture indiennes, sont mêlées à des incantations, par exemple à des prières catholiques, qui sont souvent les oraciones, donc ces prières sont souvent faites dans la langue locale, ici le Mazatec. Comment se passe après le rituel? Je crois qu'il y a tout un travail préparatif avant de démarrer la cérémonie pour celui qu'on pourrait appeler par exemple le patient. Alors oui, on ne prend pas des champignons comme on prendrait une drogue à usage festif. Ces champignons se méritent en quelque sorte. Elles exigent de la part de celui qui va les consommer de suivre un certain nombre de règles qui sont assez strictes. La première, c'est d'être digne d'accueillir ces champignons, c'est-à-dire de se préparer mentalement, physiquement à les recevoir. Donc il est demandé à celui qui les consomme bien d'effectuer une forme de jeûne avec un certain nombre de prohibitions, notamment la viande ou les haricots noirs, hein, dont on dit qu'ils noircissent le voyage, et puis également de faire des marches pour se déprendre des mauvaises ondes que l'on peut avoir en ville, puisque effectivement la majorité des gens qui vont consommer ces champignons sont des gens de la ville. Tout ça dans une idée de purification du corps? Dans une idée de purification, dans une idée physiologique aussi, c'est-à-dire que pour ressentir au mieux les effets de ces champignons, eh bien, il faut avoir tout le système digestif apte à recevoir ces champignons. Est-ce que, par exemple, la chamane peut estimer que vous n'êtes pas prêt à prendre les champignons? Est-ce qu'elle peut décider de ça, par exemple? Avant d'ingérer les champignons, il y a une discussion qui s'engage sous la forme d'un questionnaire avec la chamane. Et elle va vous demander si vous avez bien suivi les règles du jeûne. Et puis, surtout, elle va vous purifier avec de l'encens, qui est du copal, hein, qui est une sorte de résine locale. Elle va vous passer les mains sur le corps. Et surtout, elle va lire votre état psychique à l'aide d'un œuf, qui est un œuf de poule ou de dindon, qu'elle va passer sur votre corps. Puis, elle va l'ouvrir et elle va lire votre état psychique à travers l'œuf. Si l'œuf a mauvaise allure, eh bien, elle ne vous incitera pas à manger les champignons. En revanche, si l'œuf a bonne allure, a bon aspect, ça veut dire que vous êtes prêt à faire ce voyage. Et alors, à ce moment-là, elle va décréter que vous êtes capable de prendre un, deux ou trois voyages. Alors, qu'est-ce qu'un voyage ? Eh bien, un voyage, c'est, on va dire, 5-6 champignons. Alors, c'est, en général, c'est soit 4, soit 6, soit 8, mais en général, c'est plutôt 6, qui sont donnés dans des feuilles de maïs. Vous les mangez. Mais avant de faire votre voyage, elle vous donne également une petite amulette que vous placez au creux de votre main, qui est en général dédiée à un saint, qui va vous protéger pendant votre voyage. Et c'est un voyage qui se fait à la tombée de la nuit. Alors oui, c'est toujours un voyage qui se fait la nuit, une fois que c'est l'obscurité la plus complète. Ça aide non seulement celui qui va consommer les champignons eh bien, à être dans une ambiance calme et à voyager toute la nuit. En général, on prend les champignons vers 8-9 heures du soir et puis les derniers effets s'estompent avec l'aube. Magali, de manger aujourd'hui à Huautla, on est frappé par la présence de la chamane Maria Sabina dans la ville. Il y a les fresques d'elle, il y a même un festival et un centre culturel à son nom. Alors lorsque Wasson arrive à Huautla en 53, il rencontre assez vite Maria Sabina, mais à l'époque, est-ce qu'elle était connue ? Non, pas du tout, elle n'était pas connue du tout, c'est le hasard, il ne trouvait personne pour manger les champignons. Le syndic municipal, donc un employé municipal, devait connaître cette dame qui prenait les champignons, qui était donc Chotachine. Peut-être même qu'elle n'était pas forcément considérée comme une très bonne femme de savoir. Certains, parce que parmi les Massatèques, les avis sont partagés aussi à l'égard de Maria Sabina. Certains disent qu'elle ne savait rien. C'est pour ça qu'on l'a donnée aux Occidentaux. Elle ne savait rien. D'autres disent, de toute façon, c'est une Malinche Massatèque. C'est-à-dire, c'est une traître, elle nous a trahis. Mais en même temps, c'est pas si grave puisqu'elle ne savait rien, donc... De toute façon, les étrangers ne sauront jamais. Voilà, il y a cette dimension-là. Mais Maria Sabina, elle, je crois qu'elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Elle n'a pas mesuré et elle est restée. Elle s'est dit, d'ailleurs elle le dit dans le livre d'Alvaro Estrada, « Il y a des jeunes qui viennent me voir, ça me distrait parce que plus personne du village ne vient me voir. Bizarrement habillés, ils sont gentils, ils viennent me voir pour manger les champignons. » Et elle remarque que justement, avant, on ne les prenait pas comme ça. Et en même temps, je suis allée très vite sur l'histoire de cette réappropriation. Mais ça fait partie de tout un contexte politique aussi. Et ça fait partie aussi du fait que jusqu'aux années 70-80, les Indiens du présent étaient vraiment dépréciés. Ils n'étaient pas censés vraiment avoir une culture riche, en tout cas évoluée. Il y avait une vision assez, on va dire, évolutionniste. Il y avait une approche très paternaliste des Indiens du présent. Les Indiens glorifiés, c'était ceux des vestiges archéologiques. Or, avec Maria Sabina, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va faire un peu le trait d'union entre l'Indien vivant et l'Indien archéologique. Maria Sabina va devenir le témoin de cette époque-là et montrer que finalement, la culture, elle peut être aussi vue d'un point de vue positif dans le présent. Et c'est là que les Massatèques vont aussi se réapproprier cette dimension-là, cette dimension d'une culture qui mérite l'attention, d'une culture positive. C'est là que va intervenir les politiques culturelles. Vraiment, c'est pour ça que je précisais que Maria Sabina, c'est aussi le symbole de la littérature orale, mais aussi du savoir des Indiens. C'est comme ça qu'elle a été revendiquée, mobilisée aussi par les Indiens, par les natifs, par les Massatèques. Pastel. Ya parle, vous vous êtes rendu à Huautla de Jiménez, où vous avez pris des champignons. J'en ai pris un soir, et je me rappelle d'avoir vécu une expérience qui était au début assez douloureuse, parce que j'étais pas du tout à ce moment-là, je ressentais pas un effet ludique et jouissif, et j'étais plus dans une introspection. J'étais tout jeune, j'avais 22 ans, je me posais des questions sur la vie, sur moi-même. Et je me rappelle que je suis passé par une phase qui n'était pas toujours agréable. C'est-à-dire que je me suis retrouvé confronté à moi-même. Donc, parfois, à mal vivre les choses. Et je me rappelle qu'au fur et à mesure de cette nuit qui a été longue, il pleuvait des cordes dehors. Physiquement, je ressentais la pluie, je ressentais la boue. On dormait même le sol sur la terre, sur des cartons. Donc déjà, je ressentais vraiment l'extérieur. On était dans une petite cabane en bois. Je ressentais la pluie, je ressentais l'eau qui coulait, je ressentais la boue. Donc là, je suis passé par un état qui n'était pas très, très agréable. Mais vous ressentiez parce que vous aviez pris des champignons ? Parce que j'avais pris des champignons. Parce qu'en fait, je pense que les champignons, à ce moment-là, ils ont sublimé mon mal-être et mes questions. Alors, je ne sais pas si les champignons ont répondu à mes questions, mais en tout cas, je me suis posé les bonnes questions. Et déjà, c'était, je me rappelle qu'au fur et à mesure de la nuit, je me suis senti beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, et j'ai réussi à formuler ces questions. Et le fait de formuler ces questions m'a apaisé. Ces états-là permettent d'être plus sensible, plus subtil, et je pense de moins se mentir. Donc on est dans une espèce de fragilité qui nous permet de nous poser les bonnes questions, si on l'accepte, si on n'est pas en rejet de cette fragilité. En dehors de cette expérience à Huautla, vous avez eu d'autres expériences avec les psilocybes. De façon générale, ça se passait comment ? Moi, j'ai souvent ressenti d'abord un espèce de bourdonnement physique, comme si mon corps était traversé d'électrodes. Et là, c'est un moment qui est assez déstabilisant. Et ensuite, arrive une sensation beaucoup plus apaisée, où on a l'impression que notre corps a moins de limites et que notre corps se fond à la réalité. C'est-à-dire qu'en marchant, on peut avoir l'impression que nos jambes font partie du chemin. On a l'impression de sentir beaucoup plus le vent, comme si les limites du corps étaient s'estompaient. Les couleurs sont très saturées. Et quand on prend suffisamment de champignons, on a l'impression que tout grouille. C'est-à-dire qu'on a conscience de la vie, où qu'elle soit, que ce soit dans l'herbe, dans les arbres, ou même sur notre propre corps. Moi, je me rappelle avoir pu observer ma main pendant de longues minutes, en ayant l'impression de voir les couches et les sous-couches de mon corps. C'est-à-dire que j'étais un organisme comprenant des millions d'autres organismes. Et tout ça, je l'ai toujours vécu comme un spectateur émerveillé. J'ai aussi ressenti des hallucinations visuelles qui peuvent être les arbres, les pierres qui se transforment, mais c'est toujours comme des hallucinations fugitives. C'est-à-dire qu'un arbre ne va pas rester un personnage pendant 10 minutes. C'est-à-dire que je vais voir des visages ou des formes en lui, mais c'est toujours des choses qui sont très fugitives. Et à ce moment-là, j'ai souvent ressenti la sensation de faire partie d'un tout. Je ne suis pas croyant, j'ai ni éducation religieuse. Par moi-même, je suis pas croyant, je suis profondément athée. Mais je comprends que les croyants puissent se rapprocher de leur Dieu et dialoguer avec leur Dieu avec la prise de ces champignons. Parce qu'en effet, ça élève notre esprit. Ça permet au corps de se fondre avec les éléments. Ça nous met dans une relation au monde qui est totalement différente et qui est beaucoup plus intime. Roger M. n'a-t-il pas été un petit peu dépassé par les événements? Donc à la fin des années 60, il y a eu un engouement autour de ces champignons hallucinogènes qui a pris une ampleur extraordinaire. Comment est-ce qu'il s'est positionné par rapport à ça? Il était très déçu. J'avais retrouvé une lettre qu'il adressait à Gordon Wasson en disant, dans les années 70, début des années 70, en disant que c'était pas possible, qu'on pouvait pas continuer à parler comme ça des champignons hallucinogènes, que la dérive des hippies était très mauvaise et que on respectait pas la tradition mexicaine et les traditions qui allaient autour. Et c'était un véritable scandale et je pense qu'il a été très très déçu de ce qui s'est passé. Wesson et lui, sans le faire exprès, ont fait une publicité incroyable aux champignons hallucinogènes. Oui, ils ont fait une publicité aux champignons hallucinogènes, mais ça a été pris très rapidement par tous les groupes musicaux aux États-Unis, entre autres. Et, bon, Woodstock en est un exemple, hein, ça a été la grande dérive, tout le monde était shooté à mort et on ne faisait de la musique que shooté à mort. Bon, cela dit, c'est très beau, hein. Écouter Santana, c'est une merveille. Mais ça, c'est pas quelque chose qui était pour Rogem acceptable. Ça devait rester dans la sphère religieuse, entre guillemets, ou moins rituelle, et non pas avoir ces dérives qu'il ne maîtrisait pas. Il restait quand même ancré dans sa culture. Il est né en 1900, hein, il était ancré dans le début du 20e. Il n'a pas passé le cap de cet engouement des années 68 et 70, qu'effectivement, ils n'ont pas le même âge. Les gens qui font ces expériences-là n'ont pas le même âge que Roger M, qui arrivait déjà à la fin de sa vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un décalage de génération. À la fois, ils ont fait une grande publicité, ils ne l'ont pas maîtrisé, parce que ça a été pris et repris, et j'allais dire déformé, puisqu'après, on est passé quand même à tous les produits de synthèse, notamment grâce à Hoffman. Et donc là, cette dérive était... Mais Hoffman, lui, était d'accord. Hein. Hoffman est resté tout à fait... intéressé par tout ce qui se passait, il a suivi ça de très près, il n'a pas du tout la même approche que Roger. Olivier Chambon, vous êtes psychiatre et auteur d'un livre intitulé « La médecine psychédélique ». Pourriez-vous nous expliquer ce que provoque au cerveau la prise de champignons psilocybes ? Je vais prendre l'image d'un poste de radio qui reçoit des ondes d'émission de radio. Et si un orchestre joue et le jeu de l'orchestre est diffusé par la radio, que la radio permet d'entendre cet orchestre, mais que l'orchestre n'est pas dans la radio. Si vous ouvrez la radio, vous ne trouverez pas l'orchestre en train de jouer. Les programmes, ils sont en l'air, ils sont indépendants du poste de radio. Et simplement, ils ont besoin du poste de radio pour se manifester. Ben, le cerveau, c'est un peu pareil. Il y a une valve de filtration ou une valve de réduction qui nous empêche de voir certains programmes. C'est inclus dans le cerveau. C'est pour la survie. Il ne faut pas qu'on capte trop d'informations dans tous les sens à la fois, sinon on ne saurait plus se repérer. Donc il y a une valve de réduction, comme disait Aldous Huxley d'ailleurs, qui permet de ne capter que certains programmes. C'est ces programmes qu'on voit dans la réalité ordinaire, quand on est dans un état de conscience non modifié, non élargi. Par contre, les psychédéliques, en agissant sur des récepteurs à sérotonine, mais aussi sur réseau du mode par défaut, libèrent la connexion du cerveau à la conscience, ouvrent plusieurs chaînes, des chaînes d'informations nouvelles qui viennent vous apporter plein de nouveautés, de nouveaux points de vue, mais aussi vous mettre en contact avec des champs de conscience, parce que la physique quantique et puis donc le modèle post-matérialiste disent que la mémoire et la conscience sont dans des champs extérieurs au cerveau, des champs qu'on pourrait appeler électromagnétiques ou quantiques ou des ondes scalaires, peu importe leur nature. Mais en tout cas, ces champs donc se connectent beaucoup plus au cerveau une fois que le réseau du mode par défaut a été désactivé, et donc la personne accède à plein d'informations. On pourrait dire qu'elle accède à son âme, à l'âme du monde, si on veut être plus spirituel, mais c'est ce qui se passe hein, dans ces expériences. Il y a vraiment des expériences spirituelles. Et c'est ça qui semble soigner. Dans les recherches médicales, on montre que quand cette substance de champignon a un effet sur une pathologie psychiatrique, donc il semble bien que, en fait, le cerveau soit ouvert sur beaucoup plus de programmes, de champs, notamment des champs qui dépassent son petit moi, qui le mettent en contact d'entité, parfois, ou d'esprit, ou de beauté, d'harmonie, d'intelligence et d'ordre, qu'on n'a pas à l'intérieur de notre cerveau, notamment pas dans nos neurones. La psilocine et la psilocybine, les deux substances actives des champignons psilocybes, sont sur la liste des substances classées comme stupéfiants. Alors, ce sont des drogues ? Alors, ça a été considéré comme une drogue pour des raisons, on va dire, sociales et politiques, et non pas pour des régions scientifiques. Ça a été interdit, on va dire, en novembre 68 aux États-Unis, et ensuite tous les pays ont suivi pour s'aligner avec les États-Unis par le biais de l'ONU d'ailleurs, pour faire plaisir aux États-Unis quelque part, mais pas pour des raisons de recherche. Parce que les recherches dans les années 50 et 60 ont montré que c'était des substances, et il y a eu des études, des méta-études, portant sur des dizaines de milliers de prises de psychédéliques et sur des milliers de thérapeutes, qui ont montré que c'était... Alors ce sont des substances qui ne créent pas de dépendance. On ne peut pas en mourir par overdose, elles ne sont pas toxiques. elles sont utiles et efficaces pour des pathologies qui souvent sont résistantes aux autres traitements, aux autres médicaments. C'est quelque sorte des super médicaments. Donc elles ont été interdites en 68 parce que c'est vrai qu'elles étaient devenues associées à la contre-culture, c'est-à-dire qu'il y a quand même un Olbrius qui s'appelait Timothy Leary qui était bien gentil, mais il a dit à tous les adolescents, prenez-en tous, sans contrôle, il n'y a pas besoin d'être suivi par un médecin, ça va vous libérer, vous n'irez pas faire la guerre, ce qui était bien d'ailleurs au Vietnam, vous n'irez pas dans les usines travailler pour le capitalisme, c'est-à-dire c'est un peu un dissolvant des normes néolibérales, hein, les psychédéliques. Donc il y a, si vous voulez, cet interdit parce que ça menaçait l'ordre établi, ça menaçait la hiérarchie. Ça faisait des gens qui n'étaient plus comment, soumis à une autorité directe. C'est un peu un dissolvant, on l'appelle l'acide, le LSD, mais je reviens aux champignons aussi, parce que c'est la même série de molécules. Ça dissout non seulement la hiérarchie à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire c'est plus les structures répressives, genre le réseau du mode par défaut qui contrôle, mais ça dissout aussi les liens d'autorité et de hiérarchie dans la société. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Alors maintenant, ils vont revenir dans les laboratoires, dans les hôpitaux. C'est-à-dire, ça va pas remettre en cause la société, entre guillemets, mais c'est vrai que si on prône aussi une utilisation pour le développement personnel, voire pour le développement spirituel, et si un certain nombre de personnes en prennent, ça peut changer la société parce que ça rend les gens plus proches de l'écologie, plus proches de la conscience, qui sont liés à la nature, qui sont liés à tous les êtres, que tout est conscience dans la nature, les arbres, les animaux, etc. Il y a plein de recherches là-dessus, c'est pas moi qui invente. Et aller dans le sens de ce que on appelle justement un modèle qui n'est plus centré sur la consommation, plus centré sur l'avoir, mais sur l'être, sur la relation. Ça pourrait nourrir le mouvement contestataire anti-néolibéral qui est en train d'arriver dans le monde entier. Regardez comme tous les gens bougent. Il y a un pouvoir citoyen qui essaie maintenant de se mettre en face du pouvoir politique et financier. Donc si jamais ils étaient introduits à nouveau parce qu'ils ont été montrés sûrs et utiles et efficaces pour le traitement de la dépression, des addictions, des troubles obsessionnels compulsifs, des anxiétés et dépressions liées à la mort quand on a une maladie grave terminale et qu'on vient de nous annoncer le diagnostic, plein d'autres troubles psychiatriques dans lesquels leur efficacité est désormais, on pourrait presque dire démontrée. Alors démontrer, il faut des études de phase 3 en médecine. Là, il y a des études de phase 1 et phase 2 qui ont montré que c'était efficace et pas dangereux quand c'était bien contrôlé. Alors, pour l'instant, la recherche très sérieuse, qui est reconnue par la communauté scientifique, il n'y a en réalité que deux pays qui la font. Il y a les États-Unis et il y a l'Angleterre. Il y a plein de pays qui s'y mettent, hein, mais là, voilà, moi je dis États-Unis et Angleterre, c'est là que va venir vraiment le changement. Là, de toute façon, en France, il faudra un jour, comme dans tous les pays occidentaux modernes, quand on aura reconnu l'utilité de ces médicaments, il faudra qu'on forme des générations de thérapeutes, de psychiatres, de médecins ou de psychologues, pour accompagner les gens qui les prendront, substances. Or, pour accompagner, il faudra que les gens les aient pris eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un à ces substances si on ne les a pas pris soi-même et qu'on ne connaît pas les effets qu'elles ont. C'est pas comme un médicament. Un médicament antidépresseur, par exemple, les laboratoires viennent voir un généraliste, ils disent, bah, tiens, c'est le nouveau médicament, il peut être utilisé. Ben voilà, les généralistes n'ont pas besoin d'une formation particulière pour le donner. Alors qu'un médicament psychédélique, si, il faut une grosse formation derrière, avoir l'habitude des états de conscience modifiés, connaître ce que font ces substances, avoir l'habitude aussi de tout ce qui est la spiritualité, l'étude comparée des religions, parce qu'il y a plein de phénomènes qui se produisent, qui sont consignés dans tous les livres de spiritualité. Donc il faut cette connaissance, cette formation que ne demandent pas les médicaments habituels, quoi. Les champignons sortent du bois, une série documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret. Aujourd'hui, les mondes invisibles. Avec par ordre d'apparition Denis Lamy, Magali Demanget, Arnaud Expalin, Olivier Chambon, et les témoignages de Birrinia, Aristeo et Charles, avec les voix de Maria Alejandra Soriano Alarcón et de Laurent Polleret. Archivina Gwen Michel, mixage Alain Joubert, merci à Magali Demanget pour ses enregistrements faits à Huautla de Jiménez. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sobrement, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, réhabilitons le champignon. Mais en attendant, restez à l'écoute.